opératrice, chante, gays. La piratrice, chante, chante. À ce qui paraît, la trappe avait son temps. Il raconte que de la merde, regarde-nous, embrasse encore. Le jour de paix, je suis avec mon gang. On fume de l'herbe, je suis avec mon gang. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde-nous, embrasse encore. Le jour de paix, je suis avec mon gang. On fume de l'herbe, je suis avec mon gang. Avec mon gang. David versus Goliath, c'est la marche qui craque. Les ados veulent cogner les gravons. J'ai pas très gros quitté la partie. Avec Chinese, on t'en mettra une dans la tête. Le lendemain je me bugatise. Bugatti t'es dans le hôtel. Alors que partout c'est la crise. Mets-toi dans le fion, t'as récession. J'ai le flot, t'as le son, t'as les sessions. T'es en face sur le ring, t'as les lésions. King partout, toutes les régions. J'suis posé dans le coupé. Y'a une triangle jaune. Pas besoin de te faire un dessin. Bon, il m'a donné son boule. Puis la cour de récréation. Entouré de mes goons. Arcos entend une réaction. De mauvais garçons dans la foule. Soit de salaud, coup de cas, salaud, pète, allons. J'envoie l'hélico dans le bendo, viens sur ces négros, Monte Carlo. Y'a Charclo, Charlot, nous c'est Charon. Y'a Charclo, Charlot, nous c'est Charon. La trappe a fait son temps, il raconte que de la merde, regarde-nous, embrasse encore. Le jour de paye, j'suis avec mon camp.